Que je l'ai été, c'était pas au choix. Non, c'était plus fort que ça. Mon instinct m'a dit: Fanny, redresse-toi, montre que t'as pas peur. Ça peut partir d'un Véleda. Si je le ramasse pas, tu vas faire quoi? Puis le professeur a dit à papa: bon courage, petit. Avant là, j'ai déjà rebelle. Déjà rebelle, déjà rebelle. Oui, monsieur. Déjà rebelle, déjà rebelle. Oui, madame. Déjà rebelle, déjà rebelle. Et alors? Déjà rebelle, déjà rebelle. Tu vas faire quoi? Avant l'âge où l'on dit non, tout le temps même pour un oui. Je me sentais des fois plus grande, mais souvent c'était gratuit. Pour le plaisir de les surprendre et celui de désobéir, je n'ai jamais été aussi performante que quand on m'a demandé de cesser le bruit. Comment te dire? De pas m'ordonner, de baisser les yeux, je peux être violente aussi. Donc y'a quelques dossiers qui font que toutes les écoles m'ont dit intelligente, mais pas assez docile. Des fois je connais le pire, mais grâce à Dieu le cœur s'est apaisé, pas l'envie de contredire. Je suis contente que si j'ai dernier mot face à l'autorité, je veux être sa plus grande phobie. Bien avant l'âge où l'on dit non, tout le temps même pour un oui. Je me sentais des fois plus grande, mais souvent c'était gratuit. Pour le plaisir de les surprendre et celui de désobéir, je n'ai jamais été aussi performante que quand on m'a demandé de cesser le bruit. Bien avant que je vois ce qu'était la rébellion d'enfants comme Ahead et Tammy. Oui, je me sentais costaud, mais soudain à côté d'eux je me suis senti mis. Ni bien avant que j'écrive des lettres comme l'impression qu'on ne me comprenait jamais. J'arrive en pyjama en soirée select en combi quand il faut le bikini. Mets le tango avec le trap, arrive comme un schlag à Saint-Trope, comme une chanteuse qui préfère le rap, comme Eminem quand il a fucké Trump. Comme une bougie qui se rallume juste après qu'on l'ait éteinte. Et qui m'arrêtera comme un morceau à t'aimer sans refrain. Je reste rebelle. Déjà rebelle. Déjà rebelle. Oui, monsieur. Déjà rebelle. Déjà rebelle. Oui, madame. Déjà rebelle. Déjà rebelle. Et alors? Déjà rebelle. Déjà rebelle. Rebelle, des fois naïve. Tu veux parler comme un bandit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux rapper, mais déjà respire à fond et prends le temps de voir le sang sur nos gencives. Tranquille, mais je me casse la tête pour qu'à chaque sale texte il sache qu'il y a 30 piges. Et n'est un rap qui venait pas de la tête, mais qui a toujours été besoin avant d'être une envie. Rebelle, mais cool et sincère. Ne viens pas si t'es sous, n'insiste pas pour un verre. Ne viens pas chercher l'un d'entre nous si t'es pas prêt à voir ce que fait faire l'amour d'un frère. Rebelle, parce que. En fait, laisse tomber. Ils s'en foutent de nos vies, mais sont contents qu'on les divertisse. Allez monter sur la tête et puis tourner. Moi, pas ton clown, mais mon art reste le meilleur moyen que j'ai trouvé d'attirer l'attention. Me fous de vos sous, je leur donne que des leçons. Ils payent pas les coups, rebelles. On n'aime pas les escrocs, on n'aime pas les coups en traître et les excès de testo. On n'aime pas les gars qui respectent pas l'ego. J'entends chaque fois, alors que c'était stop. Rebelle, à la base, quand je dis bonjour, je fais pas la bise. Pourtant, je prends tout le temps les gens dans mes bras depuis le jour où c'est devenu interdit. À la base, quand je rappe, je fais pas la belle. Sauf qu'ils ont tellement craché sur moi que j'ai dû en tèche des rageux à l'appel. Je reste rebelle contre un système qui t'écrase, des libertés qu'on enterre, contre des cons qui veulent fermer les frontières et des connards qui veulent séparer les races. Belle rebelle, comme une bougie qui se rallume juste après qu'on l'ait éteinte. Belle rebelle, et qui m'arrêtera? Rebelle, comme une histoire sans fin. Je reste rebelle.